Join me on RIG. Oh, la partie, c'est un contour de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 524 et nous sommes le mercredi 23 février 2022 et tout va bien, on est ensemble jusqu'à 22h à peu près et l'album de la semaine n'est pas un album. Cette émission m'a été inspirée par le fait que Paul McCartney revient en tournée. L'affiche c'était Paul McCartney Got Back et je me suis dit qu'il revienne, c'est bien. S'il pouvait changer sa setlist, un peu plus que d'habitude, ce serait fantastique. Et de là est venu le « Et si on faisait nous-mêmes la setlist de Paul McCartney, qu'est-ce qu'on pourrait bien entendre pendant 2 heures ?» Oui, on va se mettre dans l'idée que Paul McCartney, vu qu'il atteint, il va avoir 80 ans au mois de juin, et oui déjà, il est plus âgé, sa voix malheureusement est moins bonne qu'avant, moins assurée. Alors ces shows ne dureront plus 3 heures, mais 2 heures. Par contre, on va concentrer ça et on va faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, je vous avais posé la question, beaucoup m'ont répondu, et le show que vous allez entendre est un mix, plus ou moins, avec plusieurs personnes qui j'ai pioché ça et là, et j'en ai rajouté un petit peu à moi. Je pense que ça vous plaira. Je ne vous dis rien sur la setlist. On va faire comme si McCartney arrivait à Bordeaux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Paul McCartney, pour l'instant, débute ses tournées aux États-Unis. Mais on peut être absolument certain qu'il viendra en Europe quand, je ne sais pas encore pour l'instant, probablement pour la fin de l'année. Et est-ce qu'il viendra à Bordeaux? Ça, c'est le grand mystère. Il avait promis de venir à Bordeaux. Il n'est pas venu. Comme en principe, ça devrait certainement l'embêter de ne pas l'avoir fait. Je pense, j'espère qu'il reviendra à Bordeaux. Et s'il revient à Bordeaux, j'en serai, c'est sûr. Et j'espère qu'on se rencontrera là, etc., etc. Bref, le show de Paul McCartney, ça s'appelle Got Back. Mais Got Back, le virtuel, celui qu'on aimera entendre. Je vous propose de nous retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on va commencer de suite, puisque le générique se termine déjà. Avec Paul McCartney qui va rentrer en scène, il est 20h passé de 3 minutes, ça va partir dans quelques secondes. Bon show à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, la saga des Fab Four spéciale, c'est parti. Showtime. Ok, here we go. De show, ça commence rock'n'roll. So glad to see you here sur RIG. Oh, on a le droit à un Paul McCartney survolté, So Glad to See You Here, et puis à l'instant Run Devil Run. Il y a du monde. McCartney qui nous fait un petit signe, vous savez, c'est chaud, parce qu'il démarre vraiment à fond. Il vient de nous dire qu'il va ralentir un peu la cadence, mais à peine. I'm too tired. C'est grâce à cette chanson qu'il était rentré dans le groupe Les Quarrymen, là, en 1957, il y a si longtemps. Lorsqu'il a été présenté à John Lennon, il savait, alors pas avec autant d'accompagnement, mais il savait à la guitare jouer ça, et ça c'était déjà quelque chose d'extra à l'époque de savoir jouer 20 Flight Rock. Il l'a refait beaucoup plus tard, et c'est vraiment excellent. On écoute un live virtuel de Paul McCartney, celui qu'on aimerait entendre en se mettant dans la tête qu'il a une très bonne voix comme avant, et ça passe par Dear Boy, cette chanson. Pendant une petite pause, les premières chansons entendues dans ce concert sont So Glad to See You Here, Run David Run, Long Tall Sally et 20 Fly Rock. Et à l'instant, Dear Boy. Il est temps de parler quand même pendant une petite page pour des pubs, de pubs pour notre sponsor qui est Lovely Rita, pour tout savoir sur les Beatles. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est là. Titre des Beatles, One After 909 sur RG. Wrong location. Because the flag. cheers for the girls. Hey, babe. Hey, babe. Hey, babe. Sur RIG 90.7, www.rigfm.fr. C'est le live virtuel Paul McCartney Got Back que nous entendons. Le live tel qu'on aimerait qu'il soit lorsqu'il viendra en Europe. Est-ce qu'il fera autant de changements dans sa setlist? J'en doute beaucoup. Néanmoins, on peut toujours rêver. Et ce show est résolument rock'n'roll. Thank you. Voici Hi Hi Hi sur RIG. RIG, c'est la radio des Beatles. We'll be right back. c'est le seul moment du concert que je déteste parce que il y a des explosions et il se trouve que, aussi courageux que je puisse paraître, enfin j'espère en tout cas, j'ai la trouille des explosions. C'est une phobie, c'est comme ça, je n'y peux rien. Donc lorsqu'il y a ça, heureusement, je sais qu'il n'y a ça qu'ici et qu'il n'y a ça qu'à certains moments. Donc je me protège et je ne profite pas autant de Live and Let Die que je pourrais. Mais c'est pas grave, là c'est du virtuel, c'est dans mon casque et dans mon casque ça ne me fait pas peur pour un sou du tout. Pas du tout. Et maintenant pour les fans des Wings. Et c'est exprimé en français pour les fans des Wings. Closer en live, ça vaut largement son coup d'oreille. Et maintenant, c'est Beware My Love. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est le show virtuel de Paul McCartney en live.

Lordy, lordy. On démarre, maintenant. Tu mets la côte. Yes. All right, on your way. Thank you. We'll be right back. pour rire. Le show n'est pas encore terminé. C'est un spécial Paul McCartney sur RIG. Paul McCartney reprend la parole pour nous dire qu'il fait rentrer un paquet de musiciens en kilt, mesdames, pour une chanson bien particulière. Darkness

C'est la saga des Fab Four numéro 524 que vous écoutez aujourd'hui. C'est un live virtuel. Paul McCartney, Got Back, avec les chansons qu'on aimerait lui entendre jouer lorsqu'il reviendra en France, lorsqu'il reviendra à Bordeaux, parce qu'on a vraiment envie de le voir ici à Bordeaux. Et s'il pouvait nous entendre, ce serait drôlement bien qu'il chante cette liste et qu'il nous fasse peut-être ces titres-là. Every night. This is a song from Back to the Egg and it's called Again and Again. Okay. Faut pas toujours croire ce qu'il dit. J'étais occupé, j'ai pas eu le temps de couper.

Not easy. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's been said. There's a good chance that we have been misled, and so the captain's planning to steer ahead. What can we do? What can we do? Yeah.

RIG 90.7, c'est la radio de Paul McCartney aujourd'hui, ce soir j'allais dire, puisque nous vous retransmettons un live virtuel, celui qu'on aimerait entendre par Paul McCartney lorsqu'il viendra en France, parce qu'il viendra en France. Ok, une autre première pour Paris. Non, pas Paris, Bordeaux, on est à Bordeaux. Qu'on avait encore. Voici Ringo Starr qui remonte sur scène pour se remettre derrière les fûts et pour chanter une chanson avec Paul McCartney. One, two. We're on the road again. Ringo Starr et Paul McCartney sur RIG. Gotta get it done, cause we ain't coming back. We still got a lot of pain to do. Playing guitars and the drums for you. We play really tight, we play really loud. We're gonna kick ass in front of the crowd. We're gonna play some rock and roll and true. Singing my song, photograph. Nothing's gonna matter when we roll up to play the show. As I open my eyes to this new day, I count the hours until we get to play. We'll be right back. avouer que 2 heures de concert comme ça avec du Paul McCartney et un petit peu de Ringo dedans, ce serait génial. Lucille sur RG. Montez le son, c'est bientôt la fin du concert déjà. RG 90.7, la radio des Beatles. People living in a world of grief.

asked if anybody's got the... Je pense que d'un concert comme ça, on en sort tous à faune. Mais alors, quel concert ? Merci beaucoup. Je vous laisse entre les mains du meilleur, le boss, monsieur Eric, je dis monsieur Eric Gallo pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut.